Pierre de Coubertin, La rénovation des Jeux Olympiques. Conférence faite à la Sorbonne, le 25 novembre 1892. Les exercices physiques ont dans le monde moderne trois capitales, Berlin, Stockholm et Londres, d'où sont sortis, pour rayonner ensuite sur d'autres régions, trois systèmes basés sur des idées bien connues du monde antique et incomplètement ou inconsciemment admises par le Moyen-Âge et la Renaissance, et que trois mots résument. La guerre, l'hygiène et le sport. Je voudrais en préciser très rapidement les traits caractéristiques, indiquer leur marche à travers le temps présent, et vous décrire enfin la part de la France dans ce grand mouvement qu'on a si justement nommé la Renaissance physique. Le siècle qui débuta si tragiquement, et qui s'achève aujourd'hui dans une paix troublée et incertaine, succédait à un siècle de grande activité intellectuelle et de véritable inertie physique. Il y aurait peut-être lieu de chercher dans ce contraste les causes premières de certains de ces déséquilibres dont nous souffrons. Mais cela n'est pas de notre domaine. Constatons seulement que partout à la fin du XVIIIe siècle, les exercices violents, les jeux virils, sont passés de mode, et que les hommes vont chercher ailleurs la distraction et le plaisir. L'Angleterre elle-même présente sous ce rapport un aspect bien fait pour surprendre. Ce n'est plus l'Angleterre des Tudors qui vivait dans le plein air et qui en goûtait toutes les ivresses. Et ce n'est pas encore l'Angleterre de Thomas Arnold et des créateurs de l'éducation athlétique. C'est un peuple indécis, chez lequel des brutalités natives se mêlent à une sorte d'amollissement qui pourrait bien être la préface de la décadence si Napoléon n'allait venir pour consolider la Grande-Bretagne comme le vent du Nord arrête un dégel. En France, les jeux de paume sont déserts. On y échange des serments, mais on n'y joue plus. Le temps est loin où le sire de Gouberville poussait son ballon sur les plages du Cotentin, les dimanches après-midi, entouré de la vaillante jeunesse des villages avoisinants. Où de paroisse à paroisse se livraient des combats homériques, dont Siméon Luce retrouve la mention dans les parchemins qu'il compulse. Où le clergé d'Avranches lui-même, à certaines fêtes de l'année liturgique, descendait processionnellement sur la grève pour y faire une joyeuse partie de bal à la crosse. Tout cela est mort. Et lorsque le directoire, tout pénétré des souvenirs de l'ancienne Grèce, veut établir sur le champ de Mars parisien quelque chose qui rappelle les Jeux Olympiques, un élément indispensable lui fait défaut, les concurrents. Il en vient sans doute, comme il vient des gamins dans les foires, pour tenter l'ascension du mat de cocagne et gagner le gigot traditionnel ou la bouteille de bénédictine. Mais cela ne suffit pas pour alimenter des réunions athlétiques, et faute d'un racing club ou d'un stade français pour les organiser et les maintenir, les courses du directoire vécurent ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Il est vrai qu'en ce même temps, sur nos frontières, par-delà les frontières ensuite et bien au loin, au pied des pyramides, sur le Danube en Espagne, sous les murs du Kremlin moscovite, les soldats de France, pendant 20 ans d'une folle et sublime épopée, donnent au monde l'un des spectacles les plus athlétiques qu'il ait jamais contemplé. Ils épuisent dans ce court espace de temps les forces de plusieurs siècles accumulées par la nation. Ce sang qu'ils versent, c'est le sang des joueurs de paume et des sires de Gouberville. C'est le sang de la France, viciée dans les villes, intacte encore dans les campagnes, et non celui des amolis et des libertins de la Régence. Et puis, messieurs, vous savez comment ils sont, nos soldats. Quand ils n'ont plus de force, ils en inventent. Ah, le grand besoin de repos qu'eut la France après cette longue crise de vaillance! Et mon Dieu, comme on comprend bien qu'elle s'en soit allée jouer au domino au lieu de faire agir ses muscles lassés. Abreuvée de ses victoires, elle s'endormit un peu, tandis qu'à côté d'elle, la défaite, une défaite noire, complète, épouvantable, avait réveillé des énergies qui ont travaillé âprement à l'œuvre que vous savez, l'Empire allemand. C'est ainsi que naquit à Berlin l'athlétisme militaire. On a souvent répété chez nous que sur les champs de bataille de 1866 et de 1870, le véritable vainqueur avait été le maître d'école. Si c'est à cette croyance que nous devons d'avoir vu notre cher pays se couvrir d'école et l'instruction populaire y progresser si rapidement, béni soit-elle. Mais je pense qu'en ceci, on a fait la part trop belle à l'instituteur en oubliant un peu son collègue, le maître de gymnastique. La gymnastique allemande, messieurs, celle qui, dès le lendemain d'Iéna, trouva des apôtres ardents et convaincus pour prêcher son évangile, puis des disciples nombreux et dociles pour suivre ses préceptes, est énergique dans ses mouvements, basée sur une discipline rigoureuse, en un mot, militaire dans son essence. Partout en Allemagne régnait hier encore la hiérarchie, l'obéissance, l'exactitude. Dès l'enfance, le petit écolier prenait sa place dans le rang et tournait ses regards vers un supérieur pour attendre de lui ce mot d'ordre. Collégien, il continuait d'assouplir ses muscles et sa volonté afin de pouvoir les mobiliser au premier signal. Car c'est là le but de la gymnastique allemande. Et l'on distingue aisément quelles sont les qualités et les imperfections qu'entraîne à sa suite un pareil idéal. Étudiant, son plus grand plaisir était de se battre avec ses camarades et les balafres qui en résultaient devenaient sur son visage autant de titres de noblesse. L'uniformité apparaissait dans les plus petits détails de son existence et leur réglementation semblait lui procurer une joie intérieure que les Anglais et les Français sont inaptes à saisir. Il suffit encore aujourd'hui de parcourir une université allemande, d'assister à une de ces réunions d'étudiants où les verres se vident au commandement, pour comprendre la frénésie disciplinaire qui a joué sur ce grand peuple. Dans la constitution de leur parti révolutionnaire, les socialistes eux-mêmes ont apporté quelque chose du militarisme qui imprégna l'Allemagne entière au cours du présent siècle. J'ai dit que la gymnastique allemande était énergique dans ses mouvements. À cette condition seule, elle est efficace. Or, pour que cette énergie se maintienne, les gymnastes doivent être perpétuellement sous une influence belliqueuse. L'idée de la guerre ne doit pas cesser de les inspirer. Si l'Allemagne se détache de cette idée, ses innombrables sociétés de gymnastique se transforment rapidement. Déjà, sur quelques points de son territoire, le sport a fait son apparition, résultat de 20 années de paix extérieure et intérieure. Le jeune athlète commence à envisager l'effort physique en lui-même, et non dans ses conséquences plus ou moins lointaines. S'il veut sauter une haie, il se fera le plus léger possible afin de la sauter aussi haute que possible. Or, en campagne, on n'a pas les jambes et les bras nus et sur le corps un fin jersey pour tout costume. Le gymnaste, lui, s'inquiète moins d'accomplir une prouesse athlétique que de passer lestement avec armes et bagages. De même, s'ils ne sont plus inspirés par la perspective du service militaire, les mouvements d'ensemble deviennent fastidieux. Les gestes se font mous. On les esquisse à peine, et l'âme est absente. De même encore, la course en section se désagrège. Les coureurs reprennent leur individualité. Ils ne s'inquiètent plus s'ils vont bien ensemble d'un pas égal. C'est à qui ira le plus vite, à qui arrivera le premier. Au point de vue physique, la gymnastique allemande est artificielle. Elle se compose d'exercices qui n'ont pas eux-mêmes leur raison d'être, qui ne sont pas dans leur nature, et qu'on ne peut obtenir des hommes qu'en leur présentant pour but quelque chose de grand, de noble, susceptible de les passionner et de les entraîner. C'est là, messieurs, ce qui a fait son succès, et c'est là ce qui, demain sans doute, causera son déclin. Elle a eu pourtant des rejetons. En Amérique et en Australie, sans parler de la France, où nous reviendrons tout à l'heure, de nombreuses sociétés ont été créées. Les Anglais promènent avec eux, autour du monde, un lawn tennis et une Bible. Ils ne s'en séparent jamais. Les Allemands, qui s'expatrient, emportent la choucroute et la gymnastique. Vous savez l'importance numérique de la colonie allemande aux États-Unis. Certains faits récents ont attiré l'attention sur ce que je considérerais, si j'étais citoyen des États-Unis, comme un danger national. Or, les Allemands d'Amérique professent une grande admiration pour l'Allemagne d'Europe. Bien établis sur cette terre de liberté, avec un océan entre eux et leur ancienne patrie, ils exaltent sans cesse le joug qu'ils n'ont pu supporter, prononcent orgueilleusement le nom de l'empereur, et rêve de germaniser par la langue et par les mœurs une bonne partie du Nouveau Monde où ils sont établis sans le moindre esprit de retour. Aussi ont-ils fondé pour leurs enfants des sociétés de gymnastique calquées sur celles du vieux pays et qui constituent une organisation tout à fait à part et homogène dans ce chaos de système qu'on appelle là-bas l'éducation physique. Vous me direz qu'il manque à cette gymnastique ce que j'indiquais tout à l'heure comme la condition essentielle de son succès, l'idée militaire et la perspective du champ de bataille. Ne croyez pas cela, messieurs. Vous êtes portés à ne voir dans ces 69 millions d'habitants que des marchands, des commerçants, des faiseurs d'affaires. Il y a une Amérique pensante, une Amérique scientifique, et il y a aussi une Amérique militaire. Si matériellement les traces de la guerre de sécession ont disparu, les traces morales sont encore visibles. L'ébranlement produit dans les cœurs américains par cette lutte cyclopéenne s'est transmis jusqu'à nos jours. Et je déclare que le patriotisme du citoyen des États-Unis est l'un des plus puissants et des plus formidables que je connaisse. On peut tout en attendre. Tandis qu'à West Point, où les traditions militaires françaises sont toujours en honneur, se forme un corps d'élite, celui des officiers de l'armée fédérale, chaque État possède maintenant une milice qu'on aurait bien tort de considérer comme une garde nationale sans valeur. Le temps et la compétence me manquent pour en étudier le fonctionnement, mais je puis attirer votre attention sur trois faits. Le nombre des hommes enrôlés, la perfection de l'armement et de l'outillage, et enfin, cette remarquable expérience de mobilisation qui vient de se faire en Pennsylvanie. Et certes, l'occasion n'était pas favorable. L'appel était imprévu. Et il s'agissait non point de combattre des ennemis du dehors, mais de maintenir l'ordre au milieu d'une grève sanglante. En 24 heures, ces commerçants, ces faiseurs d'affaires, ont tout quitté. La 25e heure les a trouvés sous les armes, au lieu désigné. Ces milices sont pour la plupart commandées et organisées à l'allemande. Elles présentent un singulier mélange de ces vertus civiques qui ont produit les volontaires anglais et de cet esprit disciplinaire qui distingue le soldat germanique. Quand les États-Unis auront reconstitué leur marine de guerre, ce à quoi ils travaillent, leur esprit d'entreprise pourrait bien devenir de l'esprit de conquête. Je suis de ceux qui croient que, dans l'avenir, le gouvernement de Washington aura le canon facile. Il se pourrait, par ces différents motifs, que la gymnastique militaire, échappée des rives de la Spray, où sa décadence paraît prochaine, retrouva sur les bords du Mississippi des pontifs et des adorateurs. En tout cas, elle aura toujours chance de germer là où il y aura de grandes ambitions à satisfaire, des revanches à prendre ou un esclavage à briser. En Australie, si petite est la colonie allemande qu'à peine faut-il la mentionner. Quelques sociétés y ont pourtant pris naissance, et pour ce qui est du militarisme, moins répandu et moins agressif qu'aux États-Unis, il n'est pas sans jouer un rôle dans les préoccupations publiques. Faut-il vous rappeler l'agitation que causèrent dans les capitales australiennes les incidents des îles Samoa et des Nouvelles-Hébrides? Le désir hautement manifesté par l'opinion de s'emparer plus tard de la Nouvelle-Calédonie? Enfin, l'envoi par la Nouvelle-Galles du Sud d'un contingent de ses milices pour soutenir les Anglaises au Soudan? J'ai l'air en tout ceci d'abandonner le sport pour étudier des questions diplomatiques. En réalité, je ne fais qu'insister sur cette importante loi sociale, à savoir qu'il existe une étroite corrélation entre l'état d'âme, les ambitions et les tendances d'un peuple, et la manière dont il comprend et organise chez lui l'exercice physique. Cela est vrai de l'Allemagne, messieurs, et cela est vrai de la Suède. Passer de la gymnastique allemande à la gymnastique suédoise, c'est entendre une symphonie pastorale après une symphonie héroïque. Les Suédois sont un peuple heureux, qui a eu peu d'histoire depuis 100 ans, et qui se livre en paix à un sport national et bienfaisant, le patinage, et à une gymnastique singulière, et au premier aspect anodine, qu'on appelle du nom de son inventeur, le système de Ling. Je me hâte de dire qu'entre Ling et le patin, c'est assurément le patin qui aurait le plus de titres à la reconnaissance des Suédois. Leur bonne santé, ce suave équilibre de l'âme et du corps qui les distingue, cette humeur tranquille, ce souffle régulier de la vie qui les anime, ils s'en croient redevables au savant inventeur, et je n'hésite pas à en faire honneur pour eux aux courses folles sur la glace unie du Nord, à l'air glacé, aux joies saines de l'hiver scandinave. Cela ne veut pas dire que cette gymnastique suédoise, qui commence même à fonder timidement quelques colonies en Allemagne, à Londres et à New York, soit dénuée de mérite. Notre ami, je pourrais dire notre illustre ami, le docteur Lagrange, membre du conseil de notre union, a été l'étudier sur place, et les lecteurs de la Revue des Deux Mondes connaissent l'impression que lui ont faite les instituts de Stockholm. La gymnastique suédoise, a-t-il dit, est la gymnastique des faibles. Précisément, et c'est pourquoi nous n'en voulons pas. Par la modération de ses mouvements, elle convient aux enfants délicats comme aux vieillards. Par son caractère scientifique, elle est applicable aux malades. C'est le côté médical qui a principalement intéressé et captivé Lagrange. Le médecin français, écrit-il, qui va étudier à Stockholm, se trouve en présence de choses tellement neuves pour lui qu'il a peine au premier abord à se reconnaître au milieu de ces mouvements si variés qu'il voit exécutés dans les instituts publics ou privés. Mais peu à peu, la lumière se fait dans son esprit. Il finit par classer tous ses ingénieux procédés et à voir qu'il vise d'en résumer à deux résultats. Doser l'exercice et le localiser. Pour vous donner une idée de la hardiesse de cette gymnastique médicale, basée sur une étude particulièrement approfondie du système musculaire, je vous dirais qu'elle traite par l'exercice et les différents massages qui en sont les corollaires, même des maladies de cœur. Les résultats paraissent excellents, et depuis plus d'un demi-siècle, les Suédois ne se lassent pas d'aller chercher la santé dans les instituts. Cela seul vaut qu'on s'en occupe, mais les amateurs d'exercice physique ne se recrutent pas d'ordinaire parmi les malades. C'est au bien portant que nous avons affaire. Que la gymnastique suédoise veille sur les jeunes enfants, à l'âge surtout où sont à craindre les déviations et les difformités, qu'on lui mène les malades et qu'enfin elle offre aux vieillards des exercices en rapport avec ce qui leur reste de force, voilà qui est fort bien. Mais qu'elle ne prétende pas exercer le pouvoir dans l'empire des jeunes. Ils ont précisément besoin de ce qu'elle répudie, l'effort et l'émulation. L'effort ne s'obtient chez elle que par l'amplitude, jamais par l'énergie du mouvement. On l'atteint lentement, jamais brusquement. Quant à l'émulation, c'est un dogme pour elle que les hommes ne doivent pas se comparer entre eux, mais seulement à eux-mêmes. Obtenez donc de nos jeunes athlètes qu'ils renoncent à l'effort et à l'émulation. Il faudrait retirer d'abord tout le sang de leurs veines. Tant qu'il leur en restera une goutte, ils n'y renonceront pas, j'en réponds. En vérité, leur donner pareil précepte, ce serait se moquer d'eux. Et cela rappelle par trop cette caricature de Cham. « Amuse-toi bien, mon enfant, » disait une mère à sa petite fille en la lâchant dans le jardin des Tuileries. « Amuse-toi bien, mais surtout prends bien garde de n'avoir ni chaud ni froid, de ne pas friper ta robe, de ne pas salir tes bottines, de ne pas défriser tes cheveux et de ne pas dénouer ta cravate. » Il y a en Suède même un parti de réformateurs qui travaillent à viriliser, si je puis ainsi dire, la gymnastique suédoise. On les regarde avec cette indignation mêlée d'intérêt qu'attirent partout et toujours les révolutionnaires. Ils auront le dessus quelques jours. Lorsque la gymnastique suédoise n'aura plus de prétention que sur les malades et les faibles, je ne vois pas ce qui l'empêcherait de faire le tour du monde, et pour ma part, je n'aurai nulle objection à l'y aider. Nous avons déjà vu, messieurs, au début de cet entretien, quelle était l'erreur de ceux qui croient le goût des exercices physiques assez profondément ancré chez les Anglais pour n'avoir jamais subi d'éclipse. Ceux-là imaginent volontiers que ce qu'ils voient a toujours existé. Une Angleterre sans le sport leur paraît un contresens. Or, ce contresens a marqué toute la fin du siècle dernier et le commencement d'une autre. Les jeux populaires étaient tombés en désuétude. L'accaparement du droit de chasse résultant de la constitution de la grande propriété avait privé la petite bourgeoisie rurale de son plaisir favori. Et si l'on voit ça et là des boxeurs s'entretuer ou bien quelques courses à l'aviron se disputer sur la Tamise, c'est entre professionnels pour procurer aux spectateurs le plaisir de perdre leur argent en paris exagérés. Rien de sportif, rien d'athlétique. L'Angleterre d'alors ne connaît que deux distractions. Faire des affaires plus ou moins honnêtement et se griser plus ou moins complètement. Le collège est une réduction de la société. Nul esprit de solidarité, l'indifférence du côté des maîtres et la loi du plus fort du côté des élèves. On ne prévoit certes pas, en étudiant cet organisme grossier et informe, tout ce que le génie d'un éducateur en fera sortir de raffinement et de délicatesse. Car, je vais ici à l'encontre d'un préjugé courant en France, il n'y a pas dans le monde de système d'éducation plus raffiné, plus délicat et plus tendre vis-à-vis de la jeunesse que le système anglais actuel. Les dehors sont trompeurs. L'athlétisme anglais, messieurs, ne date que d'hier et déjà, il envahit le monde. L'histoire de ce grand mouvement n'a pas encore été écrite, mais on en connaît les lignes principales. Les noms du chanoine Kingsley et de ses adeptes ne sont pas encore descendus bien avant dans le passé. 60 années ont suffi à cette prodigieuse transformation. Les premiers ouvriers s'inquiétaient moins de faire école que de se procurer à eux-mêmes de saines jouissances. Ils voyaient loin, cependant. Une certaine lueur philosophique les environnait. Des ressouvenirs de la Grèce, le respect des traditions stoïciennes et une conception assez nette des services que l'athlétisme peut rendre au monde moderne ne tardèrent pas à attirer l'attention sur eux. On se moqua d'eux, mais le ridicule ne les découragea point. Quand le mouvement prit de la consistance, ils furent attaqués furieusement, avec rage. Mais leur œuvre était déjà sous la protection de la jeunesse. Les universités d'Oxford et de Cambridge avaient commencé de s'y associer. Elles devaient y trouver le germe d'un magnifique relèvement, d'une purification bien nécessaire. En même temps, ce grand citoyen, Thomas Arnold, le chef et le type des éducateurs anglais, donnait la formule précise du rôle de l'athlétisme dans la pédagogie. La cause fut vite entendue et gagnée. L'Angleterre se couvrit de champs de jeu. Les sociétés se multiplièrent. Vous ne soupçonnez pas leur nombre. Londres en renferme une collection, non pas dans les quartiers aristocratiques, mais dans les quartiers pauvres et populaires. Chaque village en compte une ou deux, de sorte que, si la loi anglaise ne pourvoit pas à l'éducation physique des enfants, l'initiative privée la remplace largement. Puis, en quittant le sol natal, les fils d'Albion emportèrent avec eux la recette précieuse, et l'athlétisme déborda dans les deux hémisphères sous les climats les plus variés. Aux États-Unis, précisément après l'ère de romantisme, nous avons voulu savoir ce qu'il y était devenu. Et profitant d'un des nombreux congrès qui se groupèrent autour de l'exposition du centenaire, nous avons répandu, en 1889, dans toutes les colonies britanniques et les pays de langue anglaise, 7000 exemplaires d'un questionnaire relatif aux jeux, à leur influence sur l'éducation et à leur progrès. Ces progrès sont incessants, et les réponses témoignent d'une unanimité qui nous a prouvé que le mouvement ascendant de l'athlétisme atteindrait des proportions gigantesques, et que l'expérience de 50 ans n'avait fait que confirmer partout les doctrines d'Arnold et de Kingsley. Aux États-Unis, pour citer ce pays des chiffres, le docteur Sargent, une autorité en la matière, estime que, de 1860 à 1870, $1 million ont été dépensés pour établir des champs de jeu, des salles d'exercice ou fabriquer des appareils. De 1870 à 1880, c'était $2 500 000. Enfin, de 1880 à 1890, il s'agissait de $25 millions, soit un total de $28 500 000. D'Australie, du Cap, de la Jamaïque, de Hong Kong, des Indes, les annuaires des clubs, les règlements des réunions athlétiques, donnaient l'impression d'une véritable marée montante, que j'estime aujourd'hui, mon calcul repose, je m'empresse de le dire, sur des données très imparfaites, à environ 6 millions d'individus, en ne comptant que les adultes inscrits comme membres actifs sur les listes de sociétés régulièrement constituées. Je ne fais entrer dans le calcul ni la Belgique et la Hollande où le sport fait chaque jour d'importantes conquêtes, ni les pays où pouvaient exister isolément des groupes d'amateurs. Une presse spéciale s'est fondée pour savoir les intérêts du monde athlétique. D'innombrables journaux ont surgi. Les résultats d'une partie de baseball, jouée à Chicago, ou d'une lutte à l'aviron sur le Parramatta, font le tour du monde et s'en viennent prendre place dans ce Times qui, il y a 40 ans, annonçait bien timidement dans un petit coin les premières courses à pied entre Oxford et Cambridge. Les grands jours de rencontre, les affaires s'arrêtent, les bureaux se vident. Il y a trêve, comme jadis en Grèce, pour applaudir la jeunesse qui passe. Elle passe, messieurs, ayant le mérite de ne chercher dans l'effort que l'effort lui-même, de s'imposer des contraintes auxquelles personne ne la pousse, de se ranger sous une discipline doublement efficace parce qu'elle est librement consentie. Il est très noble et très beau de songer à la guerre. Il est louable de penser à l'hygiène, mais il est plus parfaitement humain de rendre à l'effort un culte désintéressé et d'aimer les choses difficiles, parce qu'elles sont difficiles, voilà tout. Cela, c'est la philosophie du sport en général et de notre union en particulier. En 1886, messieurs, la France n'était pas aussi mal partagée sur le rapport des exercices physiques que quelques personnes semblent le croire. Je ne parlerai pas de ce brave colonel Amoros, qui fut certainement un convaincu, mais qui avait composé un recueil de cantiques religieux et moraux que ses pupilles chantaient en piaffant, ce qui fait que l'armée du salut a bien autant de droits que la gymnastique de voir en lui un ancêtre. Je me bornerai à saluer au passage les sociétés de gymnastique, résultat de la défaite. Et tremplin de la victoire, espérons-le. Quoi qu'en ait pu dire certains qui les confondent parfois avec cette mascarade enfantine qu'on a appelée les bataillons scolaires, elles ont rendu de grands et nobles services, et le sentiment seul qui a inspiré leur formation les doit rendre sacrés à tous les Français. Le club alpin aussi mérite une mention, pour avoir rappelé à tant de nos compatriotes qu'il y a sur leurs frontières des cimes où l'on peut respirer de l'air qui n'a jamais servi, et où l'on emmagasine la santé du corps et celle de l'âme. L'escrime, enfin, comment l'oublier? N'est-elle pas le sport national, celui dans lequel l'Italie seule peut nous disputer la palme? Celui qui nous permet de savourer honnêtement la joie de se battre, la plus grande, après la joie de vivre? En 1886, pourtant, il manquait une aide à l'édifice de l'éducation physique. Je ne sais si beaucoup d'architectes s'en étaient aperçus, mais nul, à ma connaissance, n'avait exposé un plan précis de la construction projetée. Il en a paru un dans le journal Le Français, à la date du 23 août 1887. Et bien que désireux de ne rien mêler de personnel à cet entretien, j'insiste sur cette date par un sentiment dont la légitimité ne saurait être contestée. À cette époque, l'Académie de médecine s'élevait avec force contre le surmenage intellectuel. Il paraît à l'auteur du plan en question que l'on cherchait une issue là où il n'y avait qu'un mur. L'Académie de médecine s'obstinait à vouloir la révision des programmes pour diminuer le travail mental autant que pour faire place au jeu. « On n'a pas le temps de jouer, » disait-elle. Erreur grave. On avait du temps, on en avait suffisamment, et nous ne désirions pas qu'on nous en donne davantage. Mais on l'employait mal. Quant à l'opinion, elle s'égarait dans un autre sens. « Pourquoi ne joue-t-on pas chez vous, » disait-elle à l'université. « Allons, remuez-vous, jouez et faites jouer. » C'était facile à dire, et impraticable à faire. La chose devait venir de dehors, de l'initiative privée. Il fallait qu'une société ayant un point d'appui sur chacune des rives entreprît de jeter un pont sur cette rivière. La Sorbonne était l'un de ces points. Le Racing Club et le Stade Français pouvaient être d'autres. Ces deux sociétés, fondées l'une en 1882, l'autre en 1883, s'étaient ignorées quelque temps. Un homme qui a plus fait qu'aucun autre pour les sports athlétiques, Monsieur de Saint-Clair, les rapprocha le 18 janvier 1887. À la suite d'un rallye couru ce jour-là dans les bois de la ville d'Avray, l'union des sports athlétiques fut décidée. Elle fut définitivement établie et reçut ses premiers statuts le 29 novembre suivant. Les premiers mois de l'année 1888 se passèrent en entretiens et en démarches, qui amenèrent la constitution d'un comité pour la propagation des exercices physiques. M. Jules Simon et M. Gréard s'étaient inscrits les premiers. On se réunit le 31 mai et le 5 juillet suivant. Un cross-country interscolaire avait lieu aux environs de Paris. Vous savez le reste, la fondation de la Ligue de l'éducation physique, de la Ligue girondine, qui groupe les lycées de l'Académie de Bordeaux, l'organisation de concours sur tous les points de la France, parfois avec trop de bruit et pas assez de compétences, bref, ce grand mouvement qui a abouti pour nous en 5 années aux résultats que vous savez, messieurs, et dont vous êtes satisfaits, Votre présence ici le dit assez. Voilà le passé. Que sera l'avenir? Je ne vous le dirai pas, parce que le rôle de prophète est un rôle plein de dangers, et aussi parce qu'il est grandement temps de clore l'aperçu d'histoire universelle qui vous a été présenté ce soir. L'Union a de grands devoirs à remplir, tant envers l'université qu'envers ses propres adhérents. Elle n'y faillira pas. Quant à l'athlétisme en général, j'ignore quelles seront ses destinées, mais je veux attirer votre attention sur ce fait important qu'il présente deux caractères nouveaux cette fois dans la série de ses transformations séculaires. Il est démocratique et international. Le premier de ces caractères assure son avenir. En dehors de ce qui est démocratique, il n'est plus rien de viable à présent. Quant au second, il ouvre devant nous des perspectives inattendues. Il y a des gens que vous traitez d'utopistes lorsqu'ils vous parlent de la disparition de la guerre. Et vous n'avez pas tout à fait tort, mais il y en a d'autres qui croient à la diminution progressive des chances de la guerre, et je ne vois pas là d'utopie. Il est évident que le télégraphe, les chemins de fer, le téléphone, la recherche passionnée de la science, les congrès, les expositions, ont fait plus pour la paix que tous les traités et toutes les conventions diplomatiques. Eh bien, j'ai espoir que l'athlétisme fera plus encore. Ceux qui ont vu 30 000 personnes courir sous la pluie pour assister à un match de football ne trouveront pas que j'exagère. Exportons des rameurs, des coureurs, des escrimeurs. Voilà le libre-échange de l'avenir. Et le jour où il sera introduit dans les mœurs de la vieille Europe, la cause de la paix aura reçu un nouvel et puissant appui. Cela suffit pour encourager votre serviteur à songer maintenant à la seconde partie de son programme. Il espère que vous l'aiderez comme vous l'avez aidé jusqu'ici, et qu'avec vous, il pourra poursuivre et réaliser, sur une base conforme aux conditions de la vie moderne, cette œuvre grandiose et bienfaisante, le rétablissement des Jeux Olympiques.